Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, l'heure de se mettre un peu de science dans les oreilles. J'espère que vous avez profité du beau soleil d'hier pour aller dehors et peut-être avez-vous fait un peu de géologie car c'était hier la journée internationale de la géodiversité. Alors on en parle à 18h30, mais pour l'instant on va parler littérature. Il y a sans doute quelques amateurs ou amatrices de polar qui nous écoutent, alors que diriez-vous d'un polar scientifique? Je vous propose de suivre les aventures scientifiques de l'agent Keller, personnage principal du livre « Mirage synthétique » écrit par Eric Harvey, ici présent. Bonjour Eric. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Ah bah c'est toujours un plaisir, je dis toujours parce que c'est pas la première fois que tu viens en fait, tu nous as déjà présenté d'autres livres qui font intervenir cet agent Keller, mais il faut aussi préciser que tu es scientifique toi-même là, tu es ingénieur en technologie numérique au CIMI, c'est le centre en imagerie numérique et médias interactifs et tu écris des romans policiers avec une intrigue scientifique. Alors avant de parler de Mirage synthétique, bah, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui te pousse à écrire? Qu'est-ce que tu trouves dans l'écriture et que peut-être tu ne trouves pas dans ton travail d'ingénieur? J'ai été, en fait, dans le domaine de la recherche depuis plus d'une trentaine d'années. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours été amené dans les projets de recherche à rédiger, par exemple, des rapports sur les projets. Et puis, bon, j'ai peut-être rédigé peut-être plus d'une centaine de rapports, mais ça n'a jamais été public. C'est toujours privé, c'est toujours pour des clients. Bon, fait que donc, je me suis dit, bon, j'aimerais plus montrer ce que je fais ou montrer ce qu'un chercheur fait, le genre de travail qu'on fait. Fait que je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas écrire un roman qui, finalement, décrirait un peu c'est quoi le métier de chercheur, c'est quoi la démarche, et puis aussi des sujets de recherche scientifique. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, en fait. Mm-hmm. Ouais. Mais faut quand même rassurer les auditeurs, le style, c'est quand même des romans avec un style littéraire là, que tu nous proses. D'ailleurs, c'est quand même assez bien écrit là, d'un point de vue littéraire. Je trouve qu'il y a quand même une belle prose. Donc, c'est pas un style, c'est pas un rapport froid de recherche. Là. On parle vraiment de littérature. Là. Non. On n'est pas dans le rapport de recherche. Non, à proprement parler. Ouais. Malgré que quand j'écrivais des rapports, c'est ce que j'aimais faire, écrire des rapports, contrairement à la majorité qui n'aime pas ça. Ouais. Moi, j'aimais bien. Et puis, donc, parce que, au fond, un rapport, c'est l'histoire d'un projet. Oui. Hein? Donc, tu racontes comment le projet a été. Bon, t'as une intro, t'as le cœur. Tout à fait. Et t'as la conclusion. Donc, je me suis dit, bon, OK. Donc, je pense que je suis capable d'aller plus dans une forme littéraire de la fiction. Oui. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a amené là. Peut-être que tu étais capable de donner des rapports, d'écrire des rapports qu'on avait envie de lire, alors, justement, contrairement à bon nombre de rapports qui sont un peu froids. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de suspense dans les rapports. Non, ça peut être assez ardu, souvent. Alors, venons-en donc à Mirage synthétique, avec cet agent Keller, qu'on retrouve de livre en livre. Donc, qui est l'agent Keller? Bon, l'agent Keller, c'est une femme, en fait, qui a fait des études. En fait, elle est allée plus en physique. Elle a commencé en physique, puis, elle a bifurqué vers l'informatique. Fait que c'est une personne qui est spécialiste en cryptographie, donc données, sciences des données. Puis, elle a des compétences vraiment... pour œuvrer dans une section qui s'appelle une section technoscientifique, dans un centre de sécurité et de renseignement. Et au Canada, qui est situé au Canada. Bon. Oui, c'est ça, c'est situé au Canada. Oui. C'est ça qu'on apprécie aussi dans tes livres. Donc, il y a du Canada, mais il y a même aussi un peu de Québec, un peu du Québec. Donc, il y avait dans un livre précédent, on était à Manicouagan. Oui. Là, c'était dans le dernier crépuscule, je crois, là, qu'on se situait à Manicouagan. Là, dans Mirage synthétique, bah, on se promène à Valcartier, on se promène sur les plaines d'Abraham, on se promène à Brecqueville. Puis c'est intéressant parce qu'au fond, on est dans une aventure scientifique futuriste, mais aussi on est chez nous, ça nous parle. C'est voulu que de situer l'intrigue au Québec, une partie de l'intrigue au Québec? Oui, parce que c'est souvent la littérature que je lisais, bon, style techno-thriller, des science-fiction, ben ça se passait souvent, on sait, aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Donc, mais étant donné que j'ai été dans la recherche, j'ai côtoyé beaucoup d'entreprises de haute technologie. Et puis, on est vraiment des entreprises de haut niveau, de calibre international. Fait qu'il peut se passer aussi des choses ici, autant qu'il pourrait se passer aux États-Unis. Fait que donc, oui, l'action se passe ici, dans la ville de Québec, ça peut être Montréal, ça peut être... Quand on se promène un peu partout au Québec, parce qu'il y a soit des entreprises ou soit des centres de recherche de haut niveau. Qu'on peut utiliser comme mise en scène de mes romans. Oui, exactement. Puis, donc, on se sent, ça nous parle, il y a des noms, on voit la Tour Martello ou d'autres, donc ça nous parle, on se sent chez nous, puis en même temps, il y a quand même cette intrigue, un drone militaire qui est détruit par un ovni et qui disparaît. Et puis là, on est à Valcartier, d'ailleurs. Donc, et c'est là qu'arrive l'agent Keller, parce qu'elle est chargée de résoudre le mystère de cet ovni. Oui, c'est ça. Donc il y a comme une collision entre une soi-disant OVNI avec un engin, où ils sont en train de tester un engin militaire. Mais donc, ils retrouvent des débris. Et puis, c'est là que l'enquête commence, qu'il faut que le gouvernement canadien essaie de savoir l'origine. Donc, c'est ça. Donc, Anne va s'entourer d'une équipe de chercheurs, parce que c'est ça, en fait la recherche, c'est souvent un travail d'équipe, donc contrairement à un polar policier où c'est souvent l'enquêteur qui tout seul résout tous les mystères, donc ici Anne elle est toujours entourée d'une équipe de scientifiques, chacun dans son domaine. Donc, elle va chercher un coéquipier à McGill, je crois, à l'université McGill. C'est ça. Puis bon, on dit OVNI. Donc, OVNI, objet volant non identifié. Mais dans le livre, OVNI, c'est autre chose. Mais peut-être qu'on dévoilera pas le punch de ce que c'est OVNI. Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, c'est un objet qui, finalement, a des propriétés particulières qui sont dues à des métamatériaux qu'on va découvrir. Et puis, ça produit des phénomènes, justement, qui est un peu l'objet du livre, qui est un peu l'intrigue, là. C'est ça. Qui est à découvrir là, en lisant le livre. C'est ça. Et c'est là qu'arrive la science. Donc, justement, on découvre ces métamatériaux. Moi, je ne connaissais pas les métamatériaux, donc je me suis dit au premier abord, tiens, c'est quelque chose qu'il a inventé, là, que Eric a inventé, mais non, ça existe. Non. Et donc, tu fais référence dans le livre, même à la personne, au scientifique, qui a défini, qui a théorisé ces métamatériaux. Qu'est-ce que c'est, ces métamatériaux? Des métamatériaux, ce sont des composés qui sont complètement artificiels, donc on ne retrouve pas dans la nature. Donc, c'est comme si tu formais un composé qui serait formé, par exemple, d'atome par atome, avec une structure différente qu'est-ce que tu retrouves dans la nature directement. OK. Donc c'est pas comme un matériau composite, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on va jouer au niveau atomique. Donc, on va varier la structure atomique d'un matériau de manière... artificielle pour lui donner des propriétés qu'on veut bien donner. Donc, c'est ça, un métamatériau qui va au-delà, finalement, d'un matériau naturel. Mais ça a été théorisé, je ne me souviens plus, c'est le nom du scientifique, du physicien russe, là, qui a théorisé ça, mais ça date quand même de plusieurs décennies. Oui. Les premiers concepts ont été faits par... un scientifique, un physicien, Richard Feynman, qui est le prix Nobel de physique, qui a fait le premier lors d'une présentation, il avait dit qu'un jour, on serait capable de manipuler les atomes pour mm-hmm. produire des matériaux, des composés. Puis après ça, plus dans les années 80, là, il y a de l'instrumentation qui a été développée. Par exemple, le microscope à effet tunnel qui permet de voir des atomes directement et même de les manipuler jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Puis ensuite, dans les années 80, il y a un livre qui est sorti par un chercheur qui s'appelle Eric Drexler. Lui a vraiment popularisé le domaine de la nanotechnologie avec un livre qui s'appelait « Les machines de la création mm-hmm. », donc l'ère des nanotechnologies. Donc c'est un peu... Ça a fait en sorte que ça a démocratisé nanotechnologie. Mais là, c'est plus que nanotechnologie. Si on est à l'échelle atomique, là, c'est plus petit que nanotechnologie. Ben, en fait, si on veut situer... le domaine des atomes se situe entre 1 et 100 nanomètres. Mm-hmm. Donc, c'est un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Mm. Donc, donc, pour situer un peu une échelle, mettons un virus, c'est de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Mm-hmm. Une centaine de nanomètres, on arrive aux bactéries. Puis un cheveu est de l'ordre de plus de l'ordre de 100 000 nanomètres, donc 0,1 millimètre de l'ordre de. Donc, c'est un peu l'échelle. Donc, on est capable. Donc, les nanotechnologies réfèrent vraiment au domaine des atomes à ces niveaux-là. Mm. Donc, et puis, donc là, c'est des métamatériaux qui ont des propriétés optiques. Donc, on fait un petit peu d'optique aussi. Oui, bien surtout, si je reste dans mon domaine, justement, moi, je viens du domaine de l'optique. Donc, on peut avoir des matériaux optiques qui vont, par exemple, soit du verre ou de la fibre optique, par exemple. Bon, on serait capable de fabriquer un métamatériau qui produirait des propriétés optiques différente de ce que tu obtiendrais avec un matériel standard. Mm-hmm. Donc, c'est ça un peu. Puis le métamatériau en question dans mon livre, ben, c'est un matériau qui est capable de faire dévier la lumière d'une certaine façon que pour produire un phénomène que tout le monde recherche. C'est le Saint Graal, éventuellement, de l'utilisation de métamatériaux. Donc, et c'est là que donc, l'agent Keller doit faire son enquête pour découvrir qui est derrière la fabrication de cet ovni fait de ce métamatériau. Mais donc là, tu disais, bon, on est capable avec des instruments particuliers, des microscopes à effet tunnel ou peut-être d'autres choses, de manipuler les atomes un par un pour fabriquer un petit peu de métamatériaux. Mais là, dans le livre, c'est à grande échelle et c'est là qu'on arrive dans la science-fiction peut-être, parce qu'on n'en est pas là. Non, c'est ça. On peut fabriquer des petits composants, mais quand c'est ça, comme tu viens d'expliquer, quand on arrive à des échelles plus grandes, mettons l'échelle d'un mètre ou de plusieurs mètres, c'est là que on n'en est pas rendu là. Donc, ce que j'explique dans le livre, ben oui, c'est plus la science-fiction. Comment on pourrait produire un métamatériau complexe à grande échelle? Ben, dans le livre, on fait appel à l'impression 3D pour oui, c'est ouais, ça, c'est exactement. Ça. Donc là, c'est quand même une technologie qui existe. Oui, ça existe. On sait qu'on est capable de faire des trucs compliqués avec l'impression 3D. Ouais. Peut-être qu'un jour, on pourra faire aussi ces fameux métamatériaux. Mm. Comment t'es venue l'idée? Donc, on ne veut pas livrer le punch là, de cet ovni, mais comment t'es venue l'idée de ces métamatériaux? Est-ce que c'était quelque chose que tu travaillais? C'est quelque chose sur lequel tu travaillais toi-même au CIMI? Ben non, c'est pas un domaine que je travaillais. Je pense que c'est plutôt le fait que c'est un thème de roman de science-fiction que j'avais vu. Mm. Donc c'est comme un peu revisiter un thème de science-fiction comme l'auteur H.G. Wells, qui a eu plusieurs romans d'anticipation. Puis ça me tentait de revisiter le thème, dont ce thème-là que j'exploite dans le livre, ben ça vient de là. Fait que c'est à partir de ce thème-là que je me suis commencé à m'informer comment on pourrait réaliser cet aspect-là dans le livre, de dire, OK, on produit un effet qui va donner le résultat avec des métamatériaux. Donc, c'est un peu comme ça que je t'ai dit. Donc, c'est à l'envers, en fait, que j'ai, que j'ai procédé. C'est ça. Tu avais besoin de ce phénomène-là, de relater ce phénomène. Bon, c'est vrai, c'est un phénomène, c'est un phénomène classique, quand même. Oui, quand même. C'est vrai. Quand même. C'est un classique. Oui. Mais à l'aune des technologies nouvelles, des technologies d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire scientifiquement pour fabriquer ces matériaux? Donc, l'agent Keller va faire son enquête. Elle va finir par résoudre l'intrigue. Et alors, ça a l'air d'être compliqué, mais ce dont on parle, là, mais en réalité, quand on lit, on n'a pas vraiment besoin de savoir si ça existe ou pas, ou quels sont les procédés. On peut lire, je ne veux pas faire peur aux auditeurs, aux auditrices. Ce n'est pas un livre, même s'il y a de la science à l'origine du livre, on peut lire le livre sans rien connaître des métamatériaux et considérer que c'est juste un matériau du futur. Oui, c'est ça. Donc, je vais pas en super profondeur dans les concepts. C'est un peu en surface. C'est un peu pour que les gens s'intéressent un peu au domaine des nanotechnologies. Donc, que j'amène. Et comme tu dis, non, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de connaître les principes d'optique, d'avoir fait des études en nanotechnologie ou pour le livre. On peut lire, on peut passer par-dessus ces petites explications et Mais il y avait quand même un petit objectif de vulgarisation quand même, essayer d'expliquer quand même simplement certains concepts, optiques surtout, là, comme... Tu as pu le constater. Oui, il y a même un schéma. Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'aime bien de temps en temps aussi intercaler quelques dessins, un peu comme on voyait avant dans les livres, comme Jules Verne. Tu avais toujours des illustrations, en fait, dans les romans. Fait que moi, j'aime montrer ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui veulent l'explication scientifique, ils vont la trouver. Puis, s'ils veulent aller plus loin, ils vont aller plus loin. Ben, voilà, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des adeptes de science, mais ils pourront quand même lire et comprendre l'intrigue. Il suffit juste de considérer que c'est un matériau du futur. C'est ça. Mais je pense quand même que les gens sont quand même curieux vis-à-vis de la science, vis-à-vis... Puis moi, ce que je trouvais dans les livres de science-fiction, c'est que justement, c'est science et fiction. Mais il n'y avait pas beaucoup de science dans les livres de science-fiction. C'est vrai. Fait que c'est ça un peu mon but, c'est de mettre un peu plus de science pour que les gens s'y intéressent. C'est ça, exactement. Donc là, on est vraiment à la croisée de la science et de la fiction, parce qu'on a de la science, mais on a aussi de la fiction, parce qu'on l'a dit, on ne peut pas fabriquer ces matériaux-là à grande échelle pour le moment, donc c'est... Oui, exact. Mais ça se passe quand même, c'est quand même contemporain, on n'est pas dans le futur lointain. Ouais. On est presque aujourd'hui, mais quand même, on entrevoit des possibilités de nouvelles techno, là, c'est ça? Ouais. Alors, comme je le disais, pas besoin de connaître la physique derrière les métamatériaux pour comprendre le livre et suivre l'intrigue. Et puis, l'agent Keller résout l'intrigue. Il y a toujours beaucoup de rebondissements aussi dans tes livres. Faut dire que c'est vivant, il y a beaucoup de dialogues, c'est ça, on se promène là, on n'est pas inactif. Oui. Là, c'est... Oui, c'est ce que je voulais. Aussi, le livre n'est pas très long, donc je vais directement au point, puis j'essaye justement que l'action soit quand même assez rapide pour que le lecteur ne s'ennuie pas. En fait, non, on ne s'ennuie pas vraiment. Moi, en fait, j'aurais envie que ça dure plus longtemps. Là. OK. Ensuite, j'arrive déjà au bout. Moi, j'aurais toujours envie, une fois qu'on est rentré dedans, en tout cas pour avoir lu les trois, là, une fois qu'on est rentré dedans, c'est difficile de le lâcher. Là. On veut que ça continue. C'est des dialogues, c'est facile à suivre, il y a de l'action. Ouais, et puis, en fait, parlant des autres livres, le dernier paragraphe suggère qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le ciel, et là, on suppose que l'agent Keller aura bientôt une nouvelle mission, donc livre en un... j'aime bien finir, justement, par une ouverture sur le prochain livre. C'est pour ça que je l'ai fait dans Mirage synthétique. Puis je l'ai fait aussi dans le dernier Crépuscule. Ouais. Mais le dernier, je ne l'ai pas fait dans Menace quantique parce que je ne savais pas encore sur quoi j'allais me lancer. Mais là, je le sais parce que je suis en train d'écrire un autre livre. Ouais. Donc, ça va être un autre domaine. Je pense que j'en avais parlé. C'est le domaine de la mémoire. Domaine de la mémoire. Oui, la mémoire à long terme. Oh, ouais. Donc ça serait le prochain sujet. Est-ce qu'il va y avoir des neurosciences là-dedans? Non, c'est plus... on va parler plus de biologie, biotechnologie, Curieusement, donc ça va être un mélange de bio puis de techno là, classique. J'ai hâte de voir ça. C'est prévu pour quand la sortie? C'est difficile à dire. J'espère au moins en 2026. Être capable de terminer. Mais sinon, on les trouve où tes livres en fait? On les trouve, pour la version papier, on les trouve une boutique qui s'appelle Bouquinbec. Donc, boutique.bouquinbec, B-O-U-Q-U-E-B-E-C, .ca. Donc, on peut les commander directement. Sinon, pour la version numérique, c'est sur la plateforme Kobo, kobo.com. Donc, tapez Eric R. Harvey. Puis vous allez trouver... Eric Harvey. Harvey. Ouais. Là, c'était Mirage Synthétique. J'oubliais. Mirage Synthétique, mais on a aussi parlé donc, du Dernier Crépuscule et de Menace Quantique. Un trio pour suivre les aventures de l'agent Keller. Et sinon, faut pas oublier que tu es quand même tu es auteur de romans scientifico-policiers, mais aussi ingénieur chercheur au CIMI, le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Ça, c'est associé au Cégep de Sainte-Foy. En gros, tu travailles sur quoi, en fait? Nous, on est un centre qui font beaucoup de technologies numériques, donc principalement développement de logiciels, donc intégration. Donc, on travaille sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, intelligence artificielle, on travaille sur les jumeaux numériques, on fait aussi des applications web et mobile. Donc, on est quand même assez diversifié, une équipe multidisciplinaire. Et puis, c'est ça. Moi, j'agis aussi comme ingénieur système, puis en même temps, directeur technologie immersive et jumeaux numériques. Donc, on travaille à plusieurs niveaux. Donc, on fait partie d'un réseau, DCCTT au Québec, qui fait de la recherche appliquée pour les entreprises. C'est intéressant parce que c'est donc en technologie numérique. La base scientifique de tes trois livres, c'est pas forcément de la technologie numérique au sens propre du terme. Oui, il y en a toujours parce qu'il y en a toujours un peu partout. Mais ça fait pas appel à tes domaines de travail, tes thématiques de travail. C'est ça, c'est certain que j'ai eu de la recherche à faire. Mais moi, j'ai fait génie physique, puis on nous disait génie physique, c'est un génie qui est fait pour apprendre. C'est-à-dire que on apprend à apprendre. Moi, ce que j'aime aussi en écrivant, c'est que j'approfondis d'autres domaines que j'ai pas pu travailler dans mes recherches. Ça, j'aime ça aussi. Peut-être qu'on aura l'occasion de se parler de ces technologies numériques sur lesquelles tu travailles au CIMI, peut-être? Des jumeaux numériques, peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça, on verra comment les doubles faces de Eric Harvey, Eric l'auteur et Eric l'ingénieur. Voilà, les jumeaux. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous présenter donc ce livre Mirage synthétique. Merci beaucoup, Valérie. Puis je veux juste dire, je remercie mon éditrice Danielle, qui est toujours avec moi, qui m'aide dans la rédaction. Donc sans elle, ça serait pas possible. Donc ça veut dire que c'est un livre écrit à quatre mains. Mettons que c'est lui qui a les idées, mais moi j'applique des correctifs, là, c'est ça. Moi j'essaie de rendre ça le plus clair possible pour qu'on soit capable de comprendre là, qu'est-ce qui. C'est ça mon rôle. Elle me garde un peu plus terre à terre pour pas partir dans des trous désenvolés scientifiques. C'est ça, pour que ça soit le plus compréhensible possible, oui. On attend le suivant en tout cas. Alors merci Eric. Merci Valérie. Merci bien. Merci.